J'attends pas la SACEM pour faire des gros sous. J'prends le feu à des deux. J'monte sur un gros coup. J'suis un rat de pique comme Mam. C'est un rat de pique comme vous pousse à la braquette direct. Même pas un coucou. J'fais des sous. J'ai même plus le temps pour casser des gueules. S'il y a un plafond, j'prends le deuxième appel. Souvent à l'écart avec double un pétou. J'repense à ma vie quand j'suis tout seul. C'est jamais ce métal quand j'fais rentrer de métal. Ta fenêtre, on la décla comme si c'était légal. Je fais raconter ta vie à tout le monde. Mais elle tient qu'à un fil devant un métal. J'fais des sous sales. J'ai l'offane des grosses cales. C'est grâce à la musique si j'ai un compte d'épargne. Je vais rapide, j'en suis en quête de lag avec Ersco pété, on repart de la primaire. J'ai dans la caisse, on est chez Charles dans la caisse. S'il y avait pas mon équipe et moi, on descend dans ta tête. Je retourne, tu connais déjà l'adresse. On est méchant, on t'agresse. Nous on connaît pas la pénurie, toutes les saisons on encaisse. J'ai mal à la tête au voisin quand je sors le paquet, man. Je vais faire tout le voisinage, j'y stand des gains dans le RS3. Ma vie a changé depuis que j'ai goûté la sassène. Putain, c'est mélangé chez nous, c'est comme intéressant. On l'a ramené des flingues, des bijoux, du champagne, des gros culs de Paname. J'ai la vue sur la mer, trop pété, azulé, je me sens bien dans Palace. Qui va jouer au con, qui va s'opposer à nous, qui vient qu'on le canarde. On va braquer la snipe en direct, allez-y, préparez les calages. Tu veux des sous-cons sur ton pétard et des couilles. J'ai acheté un bon gun quand il parle, c'est pas cool. Ouais, esquiver la Batman, éviter les pétages. Tout en or paralyse, majeur à tous ces lâches. Monte sur un braquage. T'es mal le coup d'état, j'suis en DS3. La vague avec me coller, putain, j'suis sous collale. J'ai calé le fusil dans la caisse. On est chez Charles dans la caisse. S'il y avait pas mon équipe et moi, on descend dans ta tête. Je retourne, tu connais genre l'adresse. On est méchant, on t'agresse. Nous on connaît pas la pénurie, toutes les saisons on encaisse. J'ai mal à la tête au voisin quand j'sors le paquet, man. J'vais faire tout le voisinage, j'y stand des gains dans le RS3. Ma vie a changé depuis que j'ai goûté la sassène. Putain, c'est mélangé chez nous, c'est comme intéressant. Jamais j'oublierai mes frérots depuis tout petit, j'ai gonflé la paire. Plus le temps passe, plus je vois qu'on mûrit, plus je vois qu'on grandit, donc je garde le sourire. On n'a pas choisi cette vie-là, pas choisi ce train de vie, pas cette vie d'artiste. Maintenant, c'est nous les grosses moules, signer en maison de disque, qu'on porte la sincère. J'ai calé les fusils dans la caisse, on est chez Chardin.